Le bonus reprise mobile de SFR débarque chez Monsieur Sentimental. Tu comprends, c'est la rentrée, je dois passer à autre chose. Je vais te ramener chez SFR, je vais profiter de 100 euros de réduction et repartir avec un nouveau mobile. Chut, s'il te plaît, oh non, ne rends pas les choses plus difficiles. On peut rester amis si tu veux. À la rentrée chez SFR jusqu'au 7 octobre, c'est le moment de changer grâce au bonus reprise mobile. Rapportez votre ancien mobile en magasin et bénéficiez d'une remise jusqu'à 100 euros sur l'achat d'un nouveau modèle. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition. Montant du bonus variant selon le mobile éligible acheté. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le récit des attentats qui ont frappé Londres en juillet 2005. Moins de 4 ans après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est donc la capitale du Royaume-Uni qui est la cible du terrorisme islamiste. Et une nouvelle fois, un même nom derrière ces attaques, Al-Qaïda. Malgré la destruction de sa base arrière en Afghanistan par les Américains et ses alliés, Al-Qaïda parvient à poursuivre sa politique de terreur. Et partout dans le monde, de jeunes musulmans sont sensibles à la propagande de cette organisation terroriste qui appelle à livrer bataille contre l'Occident. Au début des années 2000, Al-Qaïda et son chef, Oussama Ben Laden, revendiquent chaque année de nouveaux attentats à Bali, Casablanca, Istanbul et Madrid le 11 mars 2004. Avec 191 morts, c'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée en Europe occidentale au 21e siècle. Londres, c'est tout de même 56 morts et plus de 700 blessés. Dès 2004, tout le Royaume-Uni se prépare à être touché par le terrorisme islamiste. Mais les Britanniques ne s'attendent pas à être attaqués par 4 kamikazes nés et élevés en Angleterre. Cet attentat djihadiste, le premier sur le sol du pays, va donc profondément ébranler la société multiconfessionnelle britannique et ses valeurs. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Four, journaliste, ancien envoyé spécial permanent à Londres pour Radio France. Il était donc sur place pendant les attentats. Il a ensuite dirigé la rédaction de France Inter. Il est aujourd'hui directeur de l'information internationale de Radio France. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora. Coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. France Inter. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. London, il était 13h49 à Paris quand la sentence est tombée comme un coup de tonnerre. Des deux villes qui restaient en compétition pour recevoir les JO de 2012. C'est Londres que les membres du CIO ont donc choisi à Singapour. Paris éliminé, Paris désespéré, Paris même choqué. The Games of the 30th Olympiad are awarded to the city of London. Ce 6 juillet 2005, à la mi-journée, Paris, effectivement, est choqué, mais Londres peut exulter. Sur Trafalgar Square, 10 000 londoniens rassemblés devant un écran géant hurlent de joie en découvrant les résultats de l'attribution des Jeux Olympiques 2012 annoncés à Singapour. Sous la pluie, au milieu d'une place noire de monde, à l'heure de la pause déjeuner, une habitante confie à une journaliste. Londres a vraiment besoin de ça. Je veux vivre ce moment car je pense que ça va changer la ville et en mieux. Effectivement, c'est une décision qui tombe à pic pour Tony Blair, à peine arrivé à Gleneagles en Écosse pour accueillir le sommet du G8 qui réunit les grandes puissances mondiales. Le Premier ministre s'empresse alors de saluer un jour historique. Il promet des jeux formidables et évoque Londres comme la plus grande capitale au monde. Le soir même, le Premier ministre britannique accueille avec enthousiasme ses homologues dans le décor luxueux de Gleneagles Hotel, au cœur de la campagne écossaise. On y retrouve notamment George Bush, Vladimir Poutine, Gerhard Schröder, Silvio Berlusconi et Jacques Chirac. Tous ces chefs d'État ou de gouvernement en smoking prennent la pose autour de la reine Elisabeth II. Les télévisions, évidemment, sont là pour immortaliser cette séance photo. Gleneagles, où la énième photo d'une famille, celle du G8, qui ce soir avait ses regards rivés sur Jacques Chirac, celui qui a du mal à enrayer pour le moment une certaine dynamique de l'échec, à l'inverse de Tony Blair à qui tout réussit. Et pourtant, à peine arrivé en Écosse, le président français, fatigué et marqué, s'est montré fair play vis-à-vis de ses hôtes britanniques, dépositaires des Jeux Olympiques de 2012. Je suis naturellement, comme toutes les Françaises, comme tous les Français, déçu. Mais moi, je tiens à féliciter, bien sûr, et de tout cœur, Londres. Comment Paris, persuadé d'être le centre du monde, a-t-elle pu laisser échapper l'organisation des JO ? Shocking ! Eh bien, ce sera pour une prochaine fois, et d'ailleurs pour la prochaine fois, en 2024. Cela étant dit, après les félicitations et tout le cérémonial, place au travail. Au programme de ce sommet, dirigé par Tony Blair, deux grands dossiers. L'annulation de la dette publique de 14 pays africains et la lutte contre le réchauffement climatique. Déjà, le lendemain, dès le matin, les chefs d'État débutent les discussions dans une ambiance détendue. On fait même tomber la veste. Pendant ce temps, ce 7 juillet à Londres, la vie normale suit son cours. Comme chaque jour, près de 3 millions de passagers empruntent le métro, le plus vieux du monde. Parmi eux, ce jour-là, 4 jeunes Anglais venus de la ville de Leeds débarquent à la station de King Cross, au centre de Londres. Avec leur sac à dos, ils ont l'air d'une bande de copains qui part en vacances d'été. Il s'agit en réalité d'un commando de 4 kamikazes prêts à se faire exploser. Un peu plus tard dans la journée, France 2 interrompt ses programmes pour un flash spécial. Cette édition spéciale pour faire le point sur la série d'explosions terroristes qui a frappé Londres ce matin. Des attentats meurtriers dans le métro et dans un bus. Il y a une heure tout juste, le chef de la police londonienne parlait de 33 morts, de 345 blessés. Mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Ce 7 juillet à Londres, c'est la confusion totale qui règne dans le centre-ville. À 8h50, trois bombes explosent quasi simultanément dans trois rames différentes du métro londonien. Aldgate Street, Edward Road et dans un tunnel entre King Cross et Russell Square. Moins d'une heure plus tard, c'est un bus qui est soufflé par une puissante déflagration à Tavistock Square. À Gleneagles, en Écosse, on informe le Premier ministre britannique en temps réel. À chaque nouveau détail qui lui parvient, Tony Blair affiche un visage de plus en plus fermé. Vers 10h, il annonce la nouvelle à ses homologues qui décident de poursuivre le sommet. Mais le programme du G8 est modifié. C'est désormais la lutte contre le terrorisme qui est à l'ordre du jour. Tony Blair, lui, se rend à Londres en urgence. Sur place, les secours s'organisent. Certains blessés sont soignés sur les trottoirs. Toutes les stations de métro sont fermées. Les festivités pour fêter l'attribution des Jeux Olympiques sont bien sûr annulées. En une journée, Londres passe ainsi de la joie au chaos. Dans les rames qui ont explosé, les passagers se retrouvent bloqués dans une épaisse fumée. Alors, pour échapper à la mort, ils forcent les portes et brisent les fenêtres. Ils doivent parfois enjamber les cadavres. Scène d'horreur. À la sortie des stations, certains rescapés livrent les premiers témoignages devant les caméras de télé. Sonnés, parfois ensanglantés, ils racontent l'enfer. Les gens ont commencé à crier, parce qu'il y avait une odeur de brûlé. Tout le monde s'est dit qu'on allait mourir. Les gens ont commencé à chanter des prières, à prier Dieu. Ils ont paniqué. On a cassé les fenêtres du métro avec nos mains, de manière à avoir de l'oxygène. Des femmes s'évanouissaient. Ça s'agitait beaucoup. Il n'y avait aucune information de la part du conducteur et les lumières de sécurité se sont allumées. À ce moment-là, de plus en plus de fumée rentrait dans la rame. Nous étions là depuis 20 à 30 minutes et la fumée s'intensifiait encore. On est resté 20 à 30 minutes, dit cet homme, bloqué dans le métro. Il n'y avait rien pour briser les vitres, pas de marteau, et les gens ont dû le faire avec leurs mains. Beaucoup de personnes paniquaient, il n'y a eu aucun message du conducteur. Les gens criaient, ont même commencé à se battre, et il y avait de plus en plus de fumée. Tout le monde était en train de crier, on ne savait pas ce qui se passait. C'était le chaos, et on a vu le chauffeur venir vers nous avec une lampe rouge, ça nous a fait peur. Moi, je pensais que j'étais mort. J'ai entendu un grand boom, les lumières se sont éteintes, et le wagon était rempli de fumée. Et les gens ont été projetés à l'avant. J'ai juste entendu un grand boom, et les cris des gens. Nous ne savons pas. Nous avons juste senti une explosion au-dessus de nos têtes et je crois qu'elle a peut-être reçu des débris provenant de mes lunettes, car je les avais sur moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout est devenu noir et nous sommes sortis. Un autre témoin raconte à la chaîne Sky News. Nous venions de King Cross. J'ai entendu un boom. Je me suis retourné. Toute la partie supérieure du bus, ainsi que l'arrière, avait explosé. Il y avait des gens qui couraient partout. Pour les secouristes qui s'engouffrent dans le métro, c'est une tâche risquée, difficile. Surnommé le Tube, en référence à la forme cylindrique de ses tunnels, le métro londonien est essentiellement composé de boyaux étroits à sens unique. Et les wagons frôlent les parois du tunnel. Et il n'y a bien souvent qu'une quinzaine de centimètres d'espace sur les côtés. Dans une chaleur étouffante de 60 degrés, avec un risque d'écroulement, les secouristes progressent lentement, en remontant wagon par wagon, au péril de leur vie, pour venir en aide aux blessés et remonter les cadavres. À chaque heure qui passe, le bilan s'alourdit. Vers midi, le pape Benoît XVI évoque des actes inhumains. Quant au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, il assure que l'Union européenne sera aux côtés du peuple britannique contre le terrorisme. Une minute de silence est observée au Parlement européen en hommage aux victimes. Et Tony Blair prend la parole. Les auteurs des attentats n'ont aucun respect pour la vie humaine. Nos pays sont unis et déterminés à combattre et à éliminer ce terrorisme qui ne vise pas seulement une nation, mais tous les États et les populations civilisées de ce monde. En Écosse, chaque chef d'État déclare sa solidarité avec le peuple britannique. Et les allocutions s'enchaînent. George Bush est catégorique. Nous trouverons et nous jugerons ces terroristes. Vladimir Poutine lui appelle tous les pays à unir au mieux leurs forces dans le combat contre le terrorisme. Quant à Jacques Chirac, il estime qu'il faut combattre le fléau avec une fermeté sans cesse accrue et toujours plus solidaire entre les grandes nations du monde. Autrement dit, l'heure est à l'union sacrée. À la mi-journée, une organisation jusqu'alors inconnue revendique les attentats, l'organisation secrète du djihad d'Al-Qaïda en Europe. Dans son communiqué, cette organisation met en cause, je la cite, « le massacre organisé par la Grande-Bretagne en Irak et en Afghanistan ». Avant d'ajouter, « les vaillants moudjahidines ont mené la louable conquête de Londres ». Et voici la Grande-Bretagne qui brûle de peur, de terreur et de frayeur, du nord au sud et d'est en ouest. En réalité, Londres n'a pas peur. Après avoir subi un quadruple attentat, la ville est même étrangement calme. Le métro est fermé, alors les Londoniens marchent, souvent tête baissée sur leur téléphone portable, pressés de rallier une gare pour prendre un train et rentrer chez eux. D'autres lisent tranquillement leur journal. Les plus sportifs font leur jogging. Londres, fidèle à sa légende forgée 50 ans plus tôt pendant la Seconde Guerre mondiale. Arki, un chauffeur de taxi londonien, explique cette attitude par le contexte historique, justement. Nous, on a appris à vivre avec la perspective de telles attaques. Il y a 30 ans, quand l'Iran nous menaçait, alors ce ne sont pas les explosions d'aujourd'hui qui vont changer notre mode de vie. Dans les colonnes du journal Libération, Yana, une touriste suédoise, en visite pour la quatrième fois dans la capitale britannique, est stupéfaite. Depuis ce matin, je n'ai pas vu de larmes, ni de cris. Ce qui m'impressionne, voyez-vous, c'est le calme des gens. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, une telle tranquillité après l'horreur. Ce flegme britannique est illustré à merveille par Henry, 52 ans. Le matin des attentats, cet ouvrier de BTP marche entre les stations de King Cross et de St. Pancras quand on vient lui demander de l'aide pour aller secourir les victimes. L'homme descend dans le métro et aide à remonter deux cadavres. À la fin de la journée, il confie à un journaliste « Je vais aller boire une pinte, puis après, j'irai dormir. » Le maire travailliste de Londres, Ken Livingstone, rentre d'urgence de Singapour, où il vient de remporter pour sa ville l'attribution des JO. Et il adresse un message aux djihadistes. Je sais que vous allez échouer dans votre objectif de détruire notre société libre. Et je peux vous montrer pourquoi vous allez échouer dans les jours qui viennent. Regardez nos aéroports, regardez nos ports, regardez nos gares. Après nous avoir lâchement attaqués, vous allez voir que les gens de notre pays, les gens du monde entier, viendront à Londres pour devenir londoniens, concrétiser leurs rêves et révéler leurs talents. La formule est alléchante et plutôt vraie. Chaque année, en effet, des gens arrivent du monde entier dans cette grande capitale mondiale pour tenter leur chance, réaliser leurs projets, parfois au risque de leur vie, aujourd'hui encore. Mais depuis les années 90, c'est aussi le cas de nombreux islamistes. La ville est même devenue le refuge privilégié de certaines personnalités du djihad international, à tel point que l'on a fini par parler du « Londonistan ». Ce terme, inventé par des analystes et des membres des services secrets français, vise avant tout à souligner l'extrême tolérance, pour ne pas dire le laxisme, dont feraient preuve les autorités britanniques envers les islamistes les plus extrémistes. Dans un reportage pour le magazine Interception, diffusé sur France Inter un an avant les attentats, le journaliste Jean-Marc Four dresse le portrait de ce Londonistan. Dans cette nébuleuse se mélangent pêle-mêle des membres du JIA algérien, des égyptiens du djihad islamique, des extrémistes pakistanais, syriens, saoudiens, la liste est longue. À la fois place financière, mais aussi médiatique, Londres est la ville parfaite pour les réseaux islamistes. Parmi les figures emblématiques de cette scène mondialisée du djihad, on retrouve Abu Hamza, surnommé par les Anglais « Capitaine Crochet ». Devenu manchot et borgne, en maniant des explosifs pendant la guerre contre les soviétiques en Afghanistan, il a installé un crochet en effet en guise de prothèse sur son bras droit. D'origine égyptienne, l'homme dispose d'un passeport britannique depuis plus de 20 ans. C'est en tant qu'imam à la mosquée de Finsbury Park, au nord de Londres, qu'il s'est fait connaître par ses prêches extrémistes et ses appels répétés au djihad. Expulsé de la mosquée en 2003, il continue pourtant de diriger la prière chaque vendredi à l'extérieur du bâtiment. Ces derniers mois, avant 2005, il avait aussi son discours. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, et notamment sous la pression des États-Unis, les Britanniques ont considérablement renforcé leur contrôle sur les islamistes. Mais dans certains cafés du quartier, situés à côté de la mosquée de Finsbury Park, on peut facilement trouver des cassettes audio où Abu Hamza appelle ouvertement au meurtre des infidèles. Abu Hamza, version radicale. Vous les jeunes en particulier, qu'allez-vous dire à vos petits-enfants plus tard, quand ils vous demanderont, en lisant l'histoire de l'islam, « Grand-père, quand t'étais jeune, il y avait la Bosnie, ou l'Afghanistan, les talibans ?» Qu'as-tu fait alors ? Oh, mon garçon, je travaillais à l'usine, tu sais, à fabriquer des tuyaux. Il faut faire un sacrifice. Et le sacrifice dont je parle est le sacrifice du sang. Allah est heureux quand un infidèle est tué. Allah le suprême a dit, suis et tend une embuscade aux non-musulmans, à l'infidèle, où qu'il soit. Traque-le, attends-le, chasse-le. La guerre devient vicieuse, le monde des infidèles devient plus intelligent. Ils vont faire semblant de se convertir à l'islam pour mieux tuer des musulmans. Suite à une demande d'extradition des Américains, Abu Hamza est arrêté 2 mois après la diffusion de son reportage. Pour les islamistes de Londres, l'étau des lois antiterroristes se resserre peu à peu. Autre figure du djihad installée à Londres, le palestino-jordanien Abu Qatada. Chef spirituel d'Al-Qaïda hors d'Europe, il a été incarcéré par la Britannique à la fin de l'année 2002 après avoir organisé plusieurs attentats dans le monde depuis son repère londonien. Enfin, un autre homme, non moins fanatique, agit lui en toute liberté dans la capitale britannique. Il s'agit du Syrien Omar Bakri, leader du groupuscule Al-Muhajirun. Il rêve d'installer le drapeau vert au 10 Downing Street. Celui qui s'est fait appeler l'Ayatollah de Tottenham est installé au Royaume-Uni depuis 1986 avec le statut de réfugié politique. Lors d'un meeting, une cinquantaine de personnes écoutent la parole du cher Omar Bakri. Au premier rang, des images des attentats du 11 septembre défilent sur des écrans d'ordinateur. À la fin de la réunion, Omar Bakri répond aux questions de Jean-Marc Four. De fait, le 11 septembre, c'est l'événement le plus important pour nous, les musulmans. Notre nouvelle histoire commence avec le 11 septembre 2001. Si vous êtes un vrai musulman salafiste et qu'on vous demande Quel âge a votre fils ? Vous répondez 2 ans après le 11 septembre. C'est le symbole de la lutte armée, le symbole d'une guerre juste, de résistance contre les agresseurs, où l'on devient des combattants de la liberté. Ceux qui ont été directement impliqués dans le 11 septembre sont aux yeux de nombreux musulmans les 19 magnifiques. Vous voulez les appeler terroristes, pourquoi pas ? Parce que ce qu'ils ont fait est un acte de terrorisme, mais en faveur de la vie. Le prophète Mahomet dit « Je suis le messager qui tue en souriant, je suis le messager de la terreur ». À l'écoute de ces propos, on est en mesure de se demander comment les Britanniques ont pu laisser un tel homme en liberté. Il faut dire qu'en Grande-Bretagne, la liberté d'expression est sacro-sainte. Mais on peut également noter qu'il s'agit tout simplement, paraît s'agir tout simplement, d'une tactique du genre « garde tes amis proches de toi et tes ennemis encore plus proches ». Autrement dit, en laissant les islamistes exprimer leur haine publiquement, les services secrets peuvent aussi les surveiller plus facilement. Mais l'on peut avancer une dernière raison. Il pourrait aussi s'agir d'un calcul froid et cynique qu'expliquait Omar Bakri dès 1998 dans les colonnes du quotidien panarabe Ashraq al-Hawsat. Selon lui, aucun attentat ne s'est produit sur le sol britannique car il a conclu un pacte de sécurité avec le gouvernement en obtenant l'asile politique. Autrement dit, il appelle au djihad, certes, mais ne cible pas le Royaume-Uni. Toujours est-il qu'en 2004, tous les services secrets britanniques s'attendent tout de même à une attaque sur leur territoire. Le chef de Scotland Yard, Sir John Stevens, déclare même qu'une attaque terroriste est inévitable. Alors, une brochure sur la conduite à tenir en cas d'attentat est distribuée à toute la population. Ainsi, quand les attentats surviennent, ce 7 juillet 2005, tous les Britanniques sont profondément choqués par le terrible bilan, 56 morts et plus de 700 blessés, mais tous s'y attendaient et s'y préparaient. Ce qu'ils n'imaginaient pas en revanche, c'est le profil des terroristes. De jeunes Anglais, oui, des Anglais, intégrés au sein de la société. One single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. It's over. So then I move my hand up from down by my side, shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies, touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. It's over. And I'm just standing there. I can't say a word, because everything's just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. Trying to pull her close out of bare desperation. Put my arms around her, trying to change what she's saying. Pull my head level with hers so she might engage in. Look into her eyes to make her listen again. I'm not gonna fucking just fucking leave it all now. because you said it'd be forever and that was your vow. And you're gonna let our things simply crash and fall down. You're well out of order now, this is well out of town. She pulls away my arms, the timely clamp round her waist. Gently pushes me back as she looks at me straight. Turns around so she's now got her back to my face. Takes one step forward, looks back, and then walks away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. Dès le début de l'enquête, Scotland Yard met tous les moyens pour retrouver au plus vite les auteurs des attentats. Dans les premières 24 heures, les services de police traitent 103 000 appels téléphoniques de témoins. Parmi eux, celui d'une mère de famille qui n'a plus de nouvelles de son fils de 19 ans. Il s'appelle Asif Hussein. Or, ses effets personnels ont été retrouvés dans le bus. Alors d'emblée, le jeune homme fait figure de suspect. Les enquêteurs remontent la piste et se rendent à Leeds, ville dont il est originaire. Grâce à l'examen des appels téléphoniques, aux enquêtes de voisinage et aux 8000 caméras de vidéosurveillance du système de transport londonien, Scotland Yard met moins d'une semaine à identifier les auteurs de l'attentat. Pour parvenir à ce résultat, les policiers ont auditionné plus de 3000 témoins et visionné 15 000 bandes de vidéosurveillance. Le 13 juillet, les policiers déclarent avoir enfin identifié les terroristes. La nouvelle est annoncée au journal de France Inter. Les attentats de Londres, la piste des kamikazes confirmée par le ministre de l'Intérieur britannique Charles Clarke. Les quatre terroristes étaient jeunes britanniques d'origine pakistanaise. Ils résidaient tous à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Scotland Yard tente maintenant de remonter jusqu'au commanditaire. Ce serait donc la première fois que des attentats suicides sont perpétrés sur le sol européen. Deux informations choquent profondément la société britannique. Ce sont de jeunes Anglais qui ont perpétré les attentats. Et non pas en déposant des bombes, mais en se faisant exploser du jamais vu sur le sol européen. Parmi le groupe de kamikazes, on retrouve Asib donc, 19 ans, Shahzad, 22 ans, et Mohamed, 30 ans. Ils sont tous nés en Angleterre et ont grandi dans la banlieue de Leeds, au nord du pays. D'origine pakistanaise, ils étaient très bien intégrés dans la société et dans leur communauté. Mohamed, père d'un enfant, était assistant social dans une école primaire. Shahzad, lui, était passionné cricket et suivait des études d'éducation physique à l'université de Leeds. Le week-end, il aidait son père dans son restaurant de fish and chips. Le plus jeune, Asib, en échec scolaire, avait été envoyé par son père à la Mecque faire son pèlerinage et au Pakistan pour qu'il renoue avec ses racines. Le Pakistan. Parlons-en. C'est peut-être l'une des clés pour comprendre la radicalisation de ces trois jeunes hommes au casier judiciaire vierge. Car tous ont effectué un séjour dans ce pays musulman et sont revenus métamorphosés. Selon l'enquête de la police, ils se seraient entretenus avec des responsables d'Al-Qaïda. Arshad Chaudhry, l'un des responsables de la communauté musulmane de la ville anglaise Biston, est atterré. Il se demande comment des jeunes de son quartier en sont venus à se faire exploser. Quand un jeune se marginalise ainsi, qu'il commet un tel acte, c'est l'échec de toute la communauté. Et il va falloir faire son autocritique pour en connaître les raisons. Pour le groupe de kamikaze, on retrouve un quatrième jeune homme, Jermaine Lindsay, 19 ans. Né en Jamaïque, il est arrivé en Angleterre à l'âge de 5 ans. Père d'un enfant, il a commis son attentat suicide alors que sa compagne était enceinte. Lui non plus n'avait aucun casier judiciaire. Pour de très nombreux Britanniques, le parcours de ces jeunes hommes est parfaitement incompréhensible, comme l'explique ou tente de l'expliquer Loretta Napoleoni, une journaliste basée à Londres et spécialisée dans le financement du terrorisme. Le plus choquant aux yeux des Anglais et même du monde entier, c'est l'identité des quatre auteurs des attentats suicides. Parce qu'ils étaient citoyens britanniques, d'autant plus choquant que ces quatre jeunes gens de la communauté musulmane donnaient l'air d'être bien intégrés. Personne ne suspectait une quelconque appartenance à un groupe extrémiste radical. Même si le nom de Mohamed Sidik Khan était apparu par le passé dans les dossiers de contre-espionnage britannique, les quatre kamikazes ont agi au nez à la barbe de services secrets et de la police. Et soudain, avec la révélation du profil des quatre terroristes, les Britanniques se rendent compte, avec effroi, que le pays compte peut-être des dizaines, voire des centaines de kamikazes en puissance. Le patron de Scotland Yard, Ian Blair, ne cesse d'ailleurs de le répéter. Attention, il pourrait y avoir un nouvel attentat très prochainement. Et le 21 juillet, deux semaines après le drame de Londres, France 2 interrompt ses programmes. La capitale britannique est de nouveau frappée par le terrorisme comme un aftershock. Flash spécial sur ces quatre nouveaux attentats qui ont frappé le cœur de Londres comme le 7 juillet dernier. Ils visaient les transports en commun. Les attaques quasi simultanées ont touché en début d'après-midi trois stations de métro et un bus. Heureusement, il n'y a eu qu'un blessé. Ce jour-là à Londres, on échappe de peu à un nouveau carnage. Car cette deuxième vague d'attentats est la copie conforme de celle du 17 juillet. Le même mode opératoire, un commando de quatre kamikazes avec des sacs à dos piégés, objectif, trois stations de métro et un bus. Mais heureusement, selon un membre des services secrets, l'artificier a commis la même erreur de confection pour les quatre bombes. Ainsi, au moment où les terroristes déclenchent leur détonateur, la charge n'explose pas. Pour seul résultat, une odeur d'acide se dégage du sac, ce qui alerte les passagers qui essaient alors de stopper les terroristes. Les apprentis kamikazes, paniqués, prennent la fuite en courant. Une chasse à l'homme est lancée dans toute la ville. Mais dans cette traque, les policiers vont commettre une bavure, abattant par erreur Jean-Charles de Mendes, un modeste électricien brésilien de 27 ans, confondu avec un islamiste radical. Dans les jours qui suivent, trois des terroristes sont arrêtés en Grande-Bretagne. Le quatrième est interpellé le 29 juillet par la police italienne à Rome. Quelques jours plus tard, Tony Blair annonce un changement de cap radical. Plus question pour le gouvernement britannique de faire preuve de laxisme avec les islamistes et ceux qui les côtoient. Les personnes qui désirent devenir britanniques doivent partager nos valeurs et notre style de vie. Alors si vous venez dans notre pays de l'étranger, n'approchez pas les extrémistes. Et ne vous engagez pas dans cette voie, car nous vous renverrons chez vous. Les règles du jeu ont changé. Omar Bakri, le prédicateur qui encourage au djihad de nombreux jeunes depuis des années, devant son expulsion et s'enfuit à Beyrouth. Le 1er septembre, une vidéo testament de Mohamed Sidik Khan, l'un des kamikazes des attentats du 7 juillet, est diffusée sur Al Jazeera. Son message est sans ambiguïté. Tant que nous, musulmans, ne serons pas en sécurité, vous serez des cibles. Tant que vous n'arrêterez pas de lancer des bombes, de gazer, d'emprisonner, de torturer mon peuple, nous n'arrêterons pas ce combat. Nous sommes en guerre et je suis un soldat. Et maintenant, c'est à votre tour de payer. Trois semaines plus tard, c'est Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, qui s'exprime à son tour dans une vidéo diffusée également sur Al Jazeera. Et il déclare... La victoire bénie de Londres est l'une des conquêtes qu'Al-Qaïda a eu l'honneur de lancer contre l'arrogante Grande-Bretagne croisée. Quant à Omar Bakri, une équipe du magazine Pièce à Conviction parvient à le retrouver à Beyrouth. Il accepte d'être interviewé et livre son sentiment sur les quatre jeunes kamikazes britanniques. Les quatre hommes venaient de milieux musulmans modérés. Que ça vous plaise ou non, c'est la réalité. Ces quatre musulmans n'ont aucun passé dans les groupes islamistes. Vous êtes surpris ? Je suis surpris. Ça veut dire que le message a atteint pas seulement les purs et durs de l'islam. Le message a touché les jeunes musulmans modérés. Le message de Cheikh Oussama Ben Laden est parvenu partout. Les attentats de Londres marquent donc un réel tournant dans le terrorisme qui a frappé et qui frappe encore aujourd'hui l'Europe. Ce qui apparaissait à l'époque comme totalement inconcevable est aujourd'hui tragiquement banal, oui. De nombreux jeunes Français, Belges, Allemands ou encore Britanniques commettent des attentats terroristes islamistes sur leur terre de naissance. Que ce soit au nom d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Scroll down and hit a link that- that Westminster had been closed. Five people dead, a madman's head lay there leaking on the road. He'd used a car to plough a crowd, stabbed a cop when he imposed. All censors out the picture, so ISIS struck a pose. The ISIS crisis! Inspired him to die. The jihad source decoded wrong, enforces that old line. But when words contort in certain tones, is it the preacher, scribe, or one guy that does the crime? The news lost focus of the man and took the ISIS bait. Ain't the definition of terrorism to gain aims through fear and hate. But fearless people are hard to buy if what you sell's to keep them safe. And I'll kick out all the terrorists, sounds great in a political debate. If you bomb my home, I might not be alone when I remember, and I might need jihad to fill the hole. Where the terrorists are bred. But that's where most the oil is. We need to make our bread. And if you need to convince a Middle Eastern dictator to leave his home, you can hire ISIS to do some terror you condone. Exchange money in our name, and bombs are just a symptom of the way we play the game. A group of brainwashed holy men fill only a fraction of the frame. Vivid street level expendables, pawns born of this play. And any day now, we might just find a way to turn. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les attentats de Londres. Notre invité, Jean-Marc Four. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabrice Rouel. Journaliste, ancien envoyé spécial permanent à Londres pour Radio France. Vous étiez donc à Londres lors des attentats. Vous n'êtes pas allé voir ce qui se passait au sommet du G7. Vous étiez plus utile à Londres. Eh bien, vous en avez J'étais resté à cause du risque ou de la chance, je ne sais pas quel mot qu'il faut utiliser, de l'attribution des JO à Londres. Voilà. J'étais resté à Londres. Et vous avez dirigé ensuite la rédaction de France Inter et vous avez pris la direction de l'information internationale de Radio France, poste que vous occupez aujourd'hui. Alors, première chose marquante, vous avez réalisé pour France Inter un numéro d'interception intitulé « Des fous d'Allah made in England ». Et là sont les trois mots importants, c'est le cœur de notre problématique « made in England ». Et vous avez fait ce reportage plus d'un an avant les attentats de Londres. Il était diffusé juste après ceux de Madrid du 11 mars 2004 et il a révélé ce qu'on pourrait appeler le terrorisme endogène. On y reviendra. On a entendu plusieurs extraits de votre magazine dans le récit, notamment Abu Hamza et Omar Bakri, deux figures de ce qu'on appelait le Londonistan. Qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez conclu après avoir rencontré ces deux personnages déjà? Alors c'est un paysage complexe parce qu'en fait ils sont pas tous pareils ces personnages-là. Si on prend Abu Hamza, vous savez, vous l'évoquiez, Capitaine Crochet, comme l'appelle la presse britannique, parce qu'effectivement il s'est fait exploser la main. On ne sait pas trop d'ailleurs dans quelles circonstances, si c'était au Pakistan ou en Afghanistan. Abu Hamza avait un côté, j'allais dire, mariole, c'est-à-dire il faisait beaucoup de bruit. Il était assez spectaculaire, ça faisait des très belles images en télévision avec son crochet dans la rue en train de prêcher, après avoir été viré de sa mosquée de Finsbury Park, c'est près du club de foot d'Arsenal, après il prêchait dans la rue. Bon, c'était spectaculaire, mais je pense que le personnage quelque part était un peu insignifiant et particulièrement bien surveillé par les services secrets britanniques. Vous aviez ce deuxième personnage que vous avez évoqué, il s'appelle Omar Bakri, effectivement. Alors déjà, on bascule sur une gamme un peu plus dangereuse probablement, un peu plus dans la clandestinité, avec quand même des gens autour de lui dont on n'a pas parlé dans le sujet, mais il avait toute une clique, si je puis dire, autour de lui, qu'on rencontrait, des gens qui s'appelaient Anjem Choudhary, Abu Omar, etc. Et quand même des gens qui tenaient des propos extrêmement radicaux, et déjà dans une espèce de semi-clandestinité, c'est-à-dire que pour les rencontrer, vous ne décrochez pas votre téléphone comme ça, il ne suffisait pas de dire « Allô monsieur, bonjour, je voudrais vous voir », il fallait passer de coup de fil en coup de fil, puis on finissait par vous filer un rendez-vous un soir dans une banlieue un peu obscure. D'ailleurs, ce meeting auquel il fait référence dans le sujet, en fait, ce meeting, il se déroulait dans une salle protestante. Ça, c'est les paradoxes de la Grande-Bretagne. Et on y projetait, effectivement, ces images à la gloire des terroristes du 11 septembre. Et là, après, on vous emmenait dans une voiture, un peu plus loin, en banlieue, pour faire les interviews dans la nuit. Enfin, on est déjà dans quelque chose qui est quand même de l'ordre de la semi-clandestinité. Et puis après, vous l'avez évoqué également, ça, je l'ai pas rencontré parce qu'il était déjà en fait en résidence surveillée. C'est Abu Qatada, probablement le plus dangereux pour le coup, hein. Jordanien lié à Al-Zawahiri. Donc on est dans là, on se rapproche des cerveaux d'Al-Qaïda. Voilà. Donc ces personnages-là sont de différentes gammes, si je puis dire. Mais ce qui est certain, c'est que tous, d'une certaine manière, diffusaient ce discours pro-djihad, pro-attentat. Hein, y a pas d'autre mot. Et que ils ont, au fil des mois et des mois, à tout le moins, pas nécessairement former des terroristes, mais sensibiliser toute une population au fait que ce discours pouvait être légitime. Alors, il faut se rappeler l'époque que la coalition internationale, à laquelle participait évidemment la Grande-Bretagne, l'Espagne et pas la France, envahit l'Irak. Nous sommes en printemps 2003. En 2004, un an après la réponse, avec les attentats de Madrid, la Grande-Bretagne fait partie de la coalition, c'est le deuxième pays le plus important après les États-Unis. Donc est-ce que en Grande-Bretagne, on se dit on va être frappé au nom de cette logique-là ? Est-ce qu'il y a ce sentiment qu'il y a beaucoup moins en France, voire pas, puisque la France, Jacques Chirac, refuse, hein. Mais c'était quelque chose qui était régulièrement dit par les opposants à la guerre en Irak, d'ailleurs. Hein. Ils s'opposaient à l'intervention. Il y avait une très forte opposition à la position de Tony Blair. Oui, des manifestations, beaucoup, oui, voilà. Je me souviens. Et puis, il y avait un certain nombre d'analystes qui disaient, vous savez, on crée quand même des conditions favorable, si j'ose dire, à ce qu'il y ait une forme de représailles sous forme de terrorisme sur le sol britannique. Mais je pense que quand, malgré tout, tout le monde n'avait pas mesuré à quel point le risque était bien présent et à quel point ce risque provenait non pas, vous l'avez dit, non pas d'éléments extérieurs provenant de l'étranger, du Proche ou du Moyen-Orient ou du Maghreb, mais provenait de jeunes gens né en Grande-Bretagne et grandi en Grande-Bretagne, qui avait grandi en Grande-Bretagne. Et ça, c'est un tournant, une rupture historique dans l'histoire des attentats islamistes. Oui, c'est à partir de là que ça commence vraiment. Et on le connaît en France après. Alors évidemment, on le connaît en France, oui. Mais c'est vrai que pour la France et la Grande-Bretagne, de ce point de vue-là, c'est assez différent parce que ce sont deux sociétés qui ont un rapport à la question de l'intégration, pour employer un grand mot, qui est un rapport assez différent. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, finalement, elle laisse chaque communauté ou elle laissait chaque communauté vivre sa vie dans son coin. À Londres, par exemple, vous avez vraiment le quartier des Pakistanais, le quartier des Bangladeshis, le quartier des Indiens, etc., etc., etc. Pour la Jamaïque, vous avez le quartier de certaines îles de la Jamaïque, etc., des Caraïbes, etc. Bon. Et chacun vit dans son coin et on laisse le truc se faire comme ça. Là où la France a une sorte de prétention intégratrice de tout mélanger. Bon. Donc le modèle britannique était convaincu, les politiques britanniques dans leur immense majorité étaient convaincus que ça fonctionnait et que le fait de laisser chacun chacun vivre sa vie était la meilleure garantie pour que ça ne dérive pas vers la violence. Et là, tout d'un coup, c'est le coup d'arrêt, c'est l'électrochoc effectivement, parce que on se dit, non, en fait, ça ne marche pas. Il faut changer de paradigme. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que là, derrière, il va y avoir beaucoup de lois antiterroristes, il va y avoir toute une réflexion de la société britannique sur elle-même qui va se dire finalement, ça ne marche pas. Alors parfois, les journalistes on a des formules qui sont un peu excessives, mais enfin, Londonistan, ça vous paraissait à l'époque être une formule qui collait bien à la réalité, parce que c'est Londonistan. Alors c'est une formule sexy, évidemment, c'est une formule sexy, puis en plus c'est une formule qui a effectivement été popularisée un peu par les Français et par entre autres les services français d'ailleurs. C'était une façon de dire on fait le boulot et nos voisins britanniques ne le font pas, regardez, c'est n'importe quoi. Bon, alors elle est excessive dans le sens où Londres n'était pas devenu une base arrière non plus complète d'Al-Qaïda. Mais il y avait un espèce de patchwork assez étrange, ça a été rappelé dans le sujet, un espèce de patchwork assez étrange de toute une gamme de gens, de profils en fait et d'origines assez différentes, mais qui finissaient par former tout un terreau de radicalisation, avec de vraies différences, parce que vous aviez des gens du Maghreb, par exemple, il y avait tout un tas de réfugiés algériens liés au GIA, au GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Alors, ils se mélangeaient pas nécessairement avec les gens du Proche-Orient. Vous aviez des politiques, pour le coup, oui, des politiques, il n'y a pas d'autre mot, tunisiens. Par exemple, quelqu'un comme Rachid Ranouchi, qui après est revenu dirigeant d'Annahda, le mouvement grand parti islamiste tunisien d'aujourd'hui. C'était lui l'intellectuel de Ennahda. Il était réfugié à Londres, mais c'était pas un terroriste. Je veux dire, en revanche, il y avait une idéologie assez radicale. Et puis vous aviez des gens effectivement qui étaient passés par le Pakistan. Ça a été rappelé là aussi, et qui là sont des choses beaucoup plus dures, beaucoup plus proches d'Al-Qaïda. Mais il y avait tout un mélange. C'est pour ça on dit le Londonistan, ça recouvrait en fait une réalité assez hétérogène. Alors que faire face à cette réalité? On va écouter ensemble Charles Shoebridge, ancien inspecteur de Scotland Yard, qui s'exprime dans le reportage de France 2 intitulé « Un œil sur la planète » et consacré justement au Londonistan. C'était en 2003. À l'époque, Charles Shoebridge établit un constat simple. Il dit: si on s'attaque plus frontalement aux islamistes, ça va être plus dur de les surveiller. On l'écoute. Cette année, on a vraiment affaibli un certain nombre d'extrémistes islamistes. Mais du coup, ça veut dire que le travail des services de renseignement est rendu plus difficile. Parce que ces personnes qui agissaient autrefois en toute impunité en Grande-Bretagne, même si elles enfreignaient la loi, ont disparu de la scène. Et il y a tous ceux qui ont gardé un profil bas. Il est donc devenu beaucoup plus compliqué pour les autorités de faire un travail de surveillance. Avant, les islamistes agissaient ouvertement, mais maintenant, ça se passe de plus en plus de manière clandestine. Alors, il a fallu à Scotland Yard changer sa doctrine. Oui, c'est évident. Et c'est exact que de dire qu'il y avait une stratégie, plus qu'une tactique, une stratégie délibérée des services britanniques de laisser faire, parce que c'était le meilleur moyen de surveiller. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Que mes ennemis ne soient pas trop loin, parce que du coup, j'ai un œil sur eux et je peux les surveiller. Il est évident qu'il y avait cette stratégie-là. Maintenant, est-ce qu'il y avait jusqu'à un accord, comme s'en prévalait Omar Bakri, c'est-à-dire vous me laissez tranquille, moyennant quoi je donnerai consigne de ne pas attaquer les Britanniques? Ça, c'est peut-être aller un peu trop loin, mais qu'en revanche il y a eu une volonté pendant longtemps de mieux surveiller en ayant les gens de façon visible, ça c'est sûr. Et derrière, il va y avoir évidemment répression, enfin heureusement, traque des coupables et des suspects après ces attentats. Et du coup, évidemment, il y a plein de gens qui vont pour le coup basculer dans la clandestinité, disparaître. Encore une fois, j'évoquais cet entourage de Omar Bakri. Il y avait là-dedans des gens à mon avis très dangereux, et pour certains qui ont complètement probablement basculé dans la clandestinité dans les semaines qui ont suivi. Alors concernant ce pacte qui n'a probablement pas existé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez posé la question au député conservateur Dominic Grieve, et selon lui, il n'y a jamais eu de pacte. Ces gens se sont implantés en Grande-Bretagne parce que nous avons ces lois sur l'asile politique qu'ils ont exploitées. Je pense que pendant la fin des années 80, début 90, on ne s'est pas penché sur le problème et qu'on croyait que pour la plupart ils protestaient contre des faits qui avaient lieu dans des pays étrangers très éloignés, et on ne se rendait pas compte de la menace qui pouvait peser pour notre société. Mais je crois que l'idée qu'on les a tolérés ici, parce qu'on s'est dit que si on faisait cela, il n'y aurait pas d'attentat en Grande-Bretagne n'est pas juste. Comme vous savez, nous avons eu pendant 25, presque une trentaine d'années, la menace de l'IRA en Grande-Bretagne. Donc, contrairement à la plupart des pays européens, nous avons une longue expérience de vivre avec le terrorisme. Je suis certain qu'on ne s'est pas décidé de tolérer ces terroristes islamiques en Grande-Bretagne parce qu'on n'aurait pas de problème. Il parle remarquablement bien. Ah, il parle français, un français parfait, Dominique Grieve, oui. Voilà. Bon, la fin du chapitre sur le volet policier, je voudrais que nous parlions ensemble quand même de ce que vous avez ressenti à Londres ce jour-là. Parce que donc on a un jour de drame qui succède à un jour de joie, hein, c'est l'attribution des JO et après ce drame. Quelle est l'ambiance, l'atmosphère dans la ville de Londres le 7 juillet? Alors, évidemment, ils sont choqués. Une ville est toujours choquée quand il y a des attentats. Mais il y a eu cette bonne nouvelle avant. Comment il s'exprime? C'est un moment sidérant. Enfin, je veux dire, vraiment, moi, dans mes souvenirs de journaliste, parmi les moments les plus marquants, parce que il y a effectivement ce mélange. Vous imaginez, en l'espace de quelques heures, il y a une vraie euphorie quand même, il y a une vraie énergie positive. Enfin, quelque chose, on a les jeux, quoi. Qui viennent de Singapour, oui. En plus, accessoirement, on a battu les autres, notamment Paris. Enfin, il y a une fierté, il y a quelque chose d'extrêmement, positif, il y a une énergie positive considérable, et puis tout d'un coup, sectionnel. Oui, et en même temps, il y a immédiatement, ça a été brièvement évoqué, il y a immédiatement cette réaction très britannique de résilience. C'est-à-dire, de toute façon, puis les gens vous disent ça comme ça, je veux dire, au café du coin, au pub, ou chez votre marchand de journaux, ils vous disent ça comme ça. Enfin, de toute façon, ces gens ne gagneront pas, monsieur. Je veux dire, il est évident que nous allons remporter cette partie, et voilà, ce sont des terroristes, nous allons les arrêter, et de toute façon, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni sont beaucoup plus forts que ça. Ouais, modèle supérieur. Donc, mais c'est pas seulement ça, c'est pas tellement une question de condescendance et de sentiment de supériorité, c'est plus une capacité de résilience, de résistance. C'est-à-dire là, on peut peut-être aller chercher les explications très, très, très en amont, mais je pense que c'est un peu juste de la résilience face au Blitz allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était évoqué par le récit. Cette capacité à ne jamais céder, qui est quand même quelque chose d'extrêmement britannique. C'est comme en sport, hein. Je veux dire, jusqu'à la dernière minute, ils peuvent encore vous marquer un but ou vous marquer un essai. Donc, ils ne renoncent pas, ils sont dans cette logique de la résistance. Et moi, j'ai ce souvenir est aussi extrêmement net. C'est donc, il y a Glenn Eagleson en cours, puis finalement, évidemment, au bout d'un moment, tout le monde revient à Londres. Enfin, Tony Blair, la reine. Et tout de suite, en fait, le personnage qui va aller dans les rues à la rencontre des Londoniens, c'est la reine. Et ça rappelle vraiment quand même la Seconde Guerre mondiale, hein. Comme l'avait fait sa mère. Donc du coup, elle va aller dans les hôpitaux, elle va aller, et à chaque fois avec cette espèce de dignité, mais très calme et très déterminée. Côté marmoréen. C'est ça, ouais. Exactement. C'est le marbre. On ne bougera pas, on ne cédera pas, mesdames, messieurs. De toute façon, le Royaume-Uni est beaucoup plus fort que ça. Et ça, c'est quand même très impressionnant. Bien, voilà. Sûr. Alors, je dis pas qu'on n'a pas cette capacité de résistance aussi en France. Il y en a une. L'affaire est entendue. Mais il y a quelque chose quand même d'éminemment britannique. Donc, c'est pour ça que ce sont des moments sidérants. Parce qu'en, en l'espace de 24 ou 48 heures, vous avez tous ces aspects de la société britannique, à la fois cette énergie positive considérable, en même temps, tout d'un coup, la violence, et puis la résilience tout de suite. Tout ce mélange dans une espèce de concentré temporel. C'était extrêmement impressionnant à vivre. Tout de même, quand les Britanniques, malgré cette capacité de résilience et de résistance, apprennent l'origine territoriale des terroristes de chez eux, quand même, il y a un sentiment de frayeur, parce qu'ils se disent, et c'est normal, s'il y en a eu 4 ici, il peut y en avoir 10 autres. Mais là. D'ailleurs, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres dans la Donc foulée là, depuis. Donc là, comment ça réagit sur ce point précis? Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on, du coup, on réalise que dans des quartiers de Londres, dans des quartiers de Leeds, effectivement, ils venaient pour la plupart de Leeds, dans des quartiers de Birmingham, dans des quartiers des grandes villes des Midlands, s'il y a des endroits où les populations se sont radicalisées, en particulier, mais pas uniquement, mais en particulier dans certaines populations d'origine pakistanaise au départ. Voilà, parce que le Pakistan, on le sait, a des liens très troubles avec Al-Qaïda. Et pour ceux qui sont retournés au Pakistan, il ne fait pas l'ordre d'un doute qu'on leur a bourré le crâne sur ce thème-là. Et effectivement, il y a tout d'un coup et la réalisation que ça existe aussi dans certains de nos quartiers, comme ça peut exister en France. mais en sachant que le modèle social est extrêmement différent. Donc oui, après, ça va ouvrir la porte à des politiques publiques un peu différentes, à la fois répressives et aussi de prise en compte de la situation sociale dans certains quartiers, en même temps, tout en sachant que c'est extrêmement difficile à conduire. Et est-ce qu'on peut dire depuis ça que la Grande-Bretagne est moins communautariste dans son organisation sociale? Je suis pas certain. Ouais. Je suis pas certain. C'est-à-dire que il y a un doute sur l'efficacité de ce modèle-là, mais pour autant, il y a quelque chose de l'ordre de la longue traîne qui s'explique par les rapports au le passé colonialiste de la Grande-Bretagne, qui n'est pas du tout le même dans sa relation avec ses anciennes colonies par rapport à la France. Enfin là, ça nécessiterait une thèse. Mais je pense qu'il y a quand même des longues traînes qui demeurent. Donc il reste quelque chose qui est plus de l'ordre du communautarisme en Grande-Bretagne qu'en France, même si ça existe aussi en France quand même. Bien sûr. Un dernier mot sur l'enquête, menée de façon prompte, puisque... En grande partie grâce à la vidéosurveillance. Oui, c'était une méthode déjà très développée. Disons qu'il y avait beaucoup plus de vidéosurveillance qu'en France déjà à l'époque. Donc après, ils y ont eu beaucoup recours. Et ça a été une tâche très très difficile en même temps, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aller au secours dans les décombres, en particulier dans l'attentat du tunnel là près de King's Cross, c'était épouvantable pendant 5 jours. Moi j'ai eu des témoignages là-dessus, c'était absolument l'horreur. C'était une tâche très très très difficile. Merci infiniment, Jean-Marc Four, de nous avoir confié vos souvenirs de cette période, de ces attentats de Londres. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui donc les attentats de Londres en juillet 2005, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livres, références et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.